Le 4 juillet, sous la conduite directe du dirigeant suprême Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, les scientifiques et techniciens de l'Académie des Sciences de la Défense Nationale ont réussi au lancement expérimental de la fusée balistique intercontinentale de type Phason 14, nouvellement mise au point. Le dirigeant suprême Kim Jong-un a dirigé sur le lieu le lancement expérimental. Pendant quelques jours avant le lancement d'essai, Kim Jong-un s'est rendu souvent à l'atelier de montage général de la fusée pour encourager les scientifiques et techniciens chargés d'une tâche urgente très importante et diriger méticuleusement le processus des préparatifs de lancement. À la vue de la nouvelle fusée balistique intercontinentale de type Phason 14, il a indiqué catégoriquement que la confrontation de longue durée avec les impérialistes américains est enfin en phase finale et qu'il est temps de montrer notre foi aux États-Unis qui jugent notre volonté en se moquant de nos avertissements. Au petit matin du jour de lancement, il s'est rendu de nouveau au champ de tir pour se renseigner du programme de lancement expérimental de la fusée Phason 14. Ce lancement d'essai avait pour objectif de vérifier les éléments tactiques et techniques et les caractéristiques techniques de la fusée capable de porter l'ogive nucléaire grande et lourde nouvellement développée et surtout toutes les caractéristiques techniques de la tête en rentrée atmosphérique, notamment la réfractarité et la stabilité structurelle de la crête de la tête de la fusée fabriquée avec notre propre matériau composite de carbone nouvellement exploité. Sur l'ordre du dirigeant suprême, à 9h du matin, la fusée balistique intercontinentale de la Corée Chuche a été lancée au jet de flammes semblable à la lave. À cette occasion, ont été vérifiées les caractéristiques de décollage de la fusée à partir de la rampe de lancement, ainsi que les caractéristiques des systèmes de guidage, de stabilisation et de structure par étapes dans l'intervalle actif. On a reconfirmé les caractéristiques de démarrage et d'arrêt du moteur à grande puissance de la première étape et confirmé dans les conditions de vol réelles les caractéristiques de démarrage, d'arrêt et de travail du moteur de la deuxième étape, nouvellement mise au point, dont l'impulsion spécifique est considérablement plus puissante. On a examiné en même temps la fidélité et la fiabilité de fonction du système de séparation nouvellement conçu et vérifié de nouveau les caractéristiques de commande d'attitude de la tête lourde dans l'intervalle moyen après sa séparation et confirmé les caractéristiques de guidage terminal et la stabilité structurelle dans les pires conditions de la rentrée atmosphérique. Même malgré la haute température des milliers de degrés, la surcharge et les vibrations extrêmes qui fonctionnent sur la tête lors de la rentrée atmosphérique, la température de l'intérieur de la crête de la tête a été maintenue de façon stable entre 25 et 45 degrés. Le dispositif de commande d'explosion de l'ogive nucléaire a fonctionné normalement et la tête a survolé sans aucun endommagement structural pour frapper exactement les parages de cible. On a vérifié aussi que les caractéristiques de déplacement de la rampe mobile portant la fusée et toutes les autres caractéristiques techniques du processus des préparatifs pour le lancement répondent aux exigences tactiques et techniques du système d'armement. Au poste de surveillance, le dirigeant suprême Kim Jong-un a observé minutieusement le vol de la fusée balistique intercontinentale affichée au visuel. Et il a analysé le résultat de lancement expérimental et déclaré sa grande réussite. Il a indiqué avec le grand sourire aux cadres scientifiques et techniciens. Aujourd'hui, les Amerlocs auraient sûrement suivi attentivement notre choix stratégique et ils seraient très mécontents. Notre présent pour leur journée de l'indépendance ne leur aura pas plu. Continuons à leur envoyer des cadeaux variés pour qu'ils ne s'ennuient pas. Kim Jong-un a apprécié haut les scientifiques et techniciens de l'Académie des sciences de la Défense nationale qui ont réussi de nouveau et d'un seul coup au lancement expérimental de la fusée de type Phason 14, fusée balistique intercontinentale capable de frapper le cœur des États-Unis pour ainsi manifester sans réserve la dignité indépendante de la Corée Chuche et la vigueur indomptable de notre peuple héroïque et défendre à outrance le prestige absolu de notre parti. et il a indiqué que la grande réussite de la fusée balistique intercontinentale est une nouvelle victoire de notre peuple remportée dans la confrontation anti-impérialiste et anti-américaine, avant de formuler son hommage et sa gratitude au grand peuple coréen qui a témoigné du soutien absolu à la ligne de notre parti consistant à développer simultanément les armements nucléaires et l'économie nationale, sans aucune vacillation devant le défi barbare des impérialistes américains et de leurs suivistes, et malgré les épreuves accumulées. Il a déclaré avec fierté que notre République a possédé la bombe atomique, la bombe à hydrogène et la fusée balistique intercontinentale, que la puissance nationale et la position stratégique de notre patrie ont atteint un niveau plus élevé, et que nous devons avoir la fierté requise d'avoir consolidé la puissante dissuasion de guerre nucléaire en dépit des pressions et sanctions scélérates des forces hostiles. Il a réaffirmé d'un ton ferme que tant que la politique d'hostilité des États-Unis contre la Corée et leurs menaces nucléaires ne soit pas éliminée fondamentalement, nous ne mettrons en aucun cas les armes nucléaires et fusées balistiques sur la table de négociation, et que nous ne reculerons point dans le renforcement de nos armements nucléaires que nous avons choisis. Le dirigeant suprême Kim Jong-un s'est fait photographier en souvenir avec tous les scientifiques, techniciens et officiels de l'Académie des sciences de la défense nationale qui ont réussi au lancement expérimental de la fusée balistique intercontinentale de type façon 14. Il a été accompagné de Lee Byung-chul, de Kim Nak-yeom, de Kim Jong-sik, de Chung Sung-il, de Chang Chang-han, de Chun Il-ho, de Yu Jin et de Cho Yong-won.